Cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir? Al-Raqib wa al-Shahid. Al-Raqib wa al-Shahid. Wa kadhalik? Al-Salam al-Qudus. Al-Qudus, al-Salam, al-Subuh. أما الستير فتقدم معنا قبل. دونك نبخي هذه الأسماء الخمسة. فما معنى الرقيب؟ هو الذي أحاط بعلمه جميع المخلوقات. نعم، أحاط بعلمه وسمعه وبصره جميع المعلومات والمخلوقات سبحانه. ومعنى اسم القدوس؟ تفضل. اسم القدوس من العدد التنزه عن كل شيء لا ينبغي له، وهو الذي تنزه عن ماذا؟ عن العيوب والنقائص. نعم، تنزه عن العيوب والنقائص، فهذا هو القدوس سبحانه. نعم، في معناه هنا دي السلام السبوح. من يذكر دليلا على اسم الرقيب؟ إن الله كان عليكم رقيبا. نعم، إن الله كان عليكم رقيبا. ودليل القدوس الذين ما جابوا، تفضل. دليل قوله تعالى: والله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. أحسنت، الملك القدوس السلام. دونك on a bien un dalil pour chacun de ces noms. بقي السبوح، تفضل. أحسنت. dans le درس précédent ذكرنا أو قرأنا كلام الشيخ رحمه الله، كلام مفيد. كذلك on a cité des ثمرات عظيمة par rapport à هذا الاسم. الله سبحانه وتعالى c'est الرقيب، الإنسان المراقب، أي أن الله عز وجل يعلم ما يفعل وما يقول ويراه ويسمعه سبحانه. فلا شك أن الذي يعيش يتذكر معنى هذا الاسم. bien sûr avec les autres noms qu'on a vu، لا شك أنه أقوى زاجر كما تقدم معنا. c'est أعظم موعظة pour الإنسان، أنه il se rappelle أن الله يراه، أن الله il entend، il le voit، أن الله il sait tout ce qu'il fait. هذا سيرمتر وعبد كصفوة الموت دابليكي الأوامر أكثر دسكرتي دي نواهي دسك الله سبحانه وتعالى إلى أن تغدي. قال رحمه الله: السميع، فله صفة السمع، أي أن الله جل وعلا il entend tout، c'est السميع. وهذا الاسم ورد كثيرا في القرآن، أكثر من 40 مرة، plus de 40 fois ذكر هذا الاسم في القرآن. وتقدم معنا شيء من معانيه أو مع اسم البصير، تذكرون au début du kitab on avait étudié ensemble le sens du nom d'Allah سبحانه وتعالى البصير، أي أن له عز وجل صفة البصر، أن الله voit tout. الشيخ سعدي رحمه الله في بيانه وفي تفسيره إلى بيكسبليكي كذلك اسم السميع. فنقرأ قول الشيخ سعدي رحمه الله، لعله إلى أجوتي دي شوز كون أبي با في أنسامبل أوباغافون. أما فالأدلة كثيرة تقدمت معنا وستأتي معنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إي بوكو دوتخ بخوف. قال رحمه الله: ومن أسمائه الحسنى السميع الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فالسر عنده علانية، البعيد عنده قريب. انتهى. تفسير جميل مختصر، أي لا résumé le sens de ce nom avec un كلام جميل. قال: ومن أسمائه الحسنى السميع. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami'a. نثبت له كذلك صفة السمع لأن chaque nom d'Allah سبحانه وتعالى forcément ce nom il englobe un attribut parfait لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى كاملة قال الذي يسمع جميع الأصوات أي الله سبحانه وتعالى il entend tout باختلاف اللغات quelle que soit la langue quel que soit l'endroit même si des milliers, des millions, des milliards de personnes, elles parlent en même temps, فالله سبحانه وتعالى يسمع الجميع. قال على تفنن الحاجات. نعم, هذا كما تقدم معنا من إحاطته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المحيط. أحاط المسموعات عز وجل بسمعه. أي il entend tout. فالسر عنده علانية. السر c'est le contraire de alania. Alania c'est les paroles que tout le monde entend à voix haute plutôt. السر c'est le contraire, c'est à voix basse. فالله سبحانه وتعالى il y a aucune différence عنده. كما قال عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. تأمل قوله سواء, c'est pareil عند الله. سواء منكم من أسر القول. Et c'est pareil, indallah. Celui qui parle à voix basse, celui qui parle à voix haute, فالله سبحانه وتعالى, il l'entend. فإنه يعلم السر وأخفى. أي أخفى من السر يعلمه. أي quand quelqu'un parle à voix basse ou un son, ربما أنت, tu peux pas l'entendre, الله سبحانه وتعالى, il l'entend. Il l'entend أخفى من السر. أي il entend tout, سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه متصف بصفة السمع. أوصافه سبحانه كلها كاملة. الله لا les attributs parfaits. Il entend tout, contrairement à l'insan. الإنسان متصف كذلك بصفة السمع. لكن ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى y a rien qui lui ressemble. Et c'est le سميع, et c'est le بصير. Pourtant beaucoup de créateurs ils ont هذا الوصف السمع. لكن un سمع de مخلوق. مثلا نحن نطق لكن سي 2 3 بيرسونيل بارل ان ميم طون فربما لا تسمع tu peux plus différencier entre كلام هذا et كلام هذا كذلك القول البعيد tu peux pas l'entendre مثلا si quelqu'un parle الان à quelques mètres de nous ou quelques kilomètres ou dans un autre pays من باب اولى on n'entend pas وهكذا السر ربما واحد dans la cise il dit quelque chose à voix basse on l'entend pas نحن on est obligé de lui demander أما الله سبحانه وتعالى فيسمع كل شيء قال البعيد عنده قريب وهذا تقدم أي يا أكن ديفيرونس عند الله سبحانه وتعالى même les choses qui sont éloignées فعند الله سبحانه وتعالى قريبة فإلى au-dessus de son arche سبحانه il est au-dessus du trône au-dessus des cieux au-dessus de sa créature et il entend جميع المخلوقات حتى الحيتان في الماء Si tu prends cet exemple, dans l'océan, dans la mer, les poissons qui sont, Allahu alam, à combien de profondeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il entend chacun d'eux, chaque mouvement, chaque bruit. Subhana. Et ça y est, ma'ana, incha'Allah ta'ala, qariban, ma'ana ism al-qarib. Et incha'Allah ta'ala, on détaillera akthar des ma'ani par rapport à hadal ism al-qarib. Aïe, celui qui est proche. Al-qurb, c'est le fait d'être proche. ثم قال رحمه الله وسمعه تعالى نوعان سمعه نوعان أي دو سنس لأن السمع dans les versets du Coran كذلك dans les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام tu trouveras qu'il y a deux sens quand هذا الوصف il est cité أي السمع قال أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها هذا زي المعنى qu'on vient de lire ensemble أن الله عز وجل entend tout قال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله il l'a entendu الله il a entendu cette femme qui s'est plaint au prophète عليه الصلاة والسلام فيسمع جميع الأصوات هذا سلو معنى كون vient de lire ensemble الثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيصيبهم ويثيبهم. ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب. هذا هو المعنى الثاني. Et il a cité un dalil pour nous faciliter la compréhension. قوله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء. هذا سقول إبراهيم كما في سورة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى il a cité la parole de إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. لماذا خصص هنا السمع بالدعاء؟ وإلا فالله سبحانه وتعالى il entend tout. الله سبحانه وتعالى il a entendu le ce dua, cette invocation, il entend tout, subhanah. Lakin, huna, khussa al-dua bis-sam' limadha li'anna c'est bi-ma'na za'id. La shakan Allah, subhanahu wa ta'ala, il entend chaque invocation, et kadhalik, et ça c'est min ma'ani al-sam' an Allah, azza wa jalla, il répond. Inna rabbi lassami'u al-dua. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a entendu son invocation, et il lui a répondu. Hada ma'na, hada al-kalam. Aïe, cette deuxième catégorie, sam'ul ijaba, aïe, en Allah subhanahu wa ta'ala, il entend les invocations, et c'est lui qui exauce, c'est lui qui répond à qui il veut, subhanah. Kadari qawl al-musalli, quand on fait salat, et après avoir fait athkar al-ruku', pour se relever, on dit, sami'allahu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il entend man hamidah, الذي يحمد الله سبحانه وتعالى الله اللانطا الحمد نازل معنى الثناء سواء بصيغة الحمد أطر فالله سبحانه وتعالى اللانطا من حمده سبحان ربي العظيم quand on dit سبحان ربي العظيم وبحمده أو أطر parmi les أذكار فالله سبحانه وتعالى يسمع هذا هنا السمع بمعنى الإجابة أي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له أي il lui répond كما في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى علي عبدي ثم في آخر الحديث ولعبدي ما سأل هذا تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة فقول المصلي سمع الله أي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن حمده فإلى ستة دو معاني هنا دو كاتيغوري دو بور نعم le sens du sama. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, on peut rajouter un kalam mukhtasar de l'imam Ibn al-Qayyim pour compléter min kitabihi tariqu al-hijratayn as-sami'u alladhi lahu as-sam' et c'est celui qui entend. Hada raddun ala al-mu'attila al-mu'tazila الذين قالوا أن الله عز وجل السميع لكن بلا سمع. Et on a étudié l'égarement de هؤلاء باختصار في شرح قواعد المثلى. فالله سبحانه وتعالى السميع parmi ses noms السميع et il entend. Il entend tout, سبحانه. الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره. استوى هنا بمعنى لا فرق بينهما. أي sont même niveau. السر والجهر استوى عند الله أي سواء قال وسع سمعه الأصوات أي أن الله سبحانه وتعالى il entend tous les أصوات contrairement à l'être humain quand il y a trop de son ou quand le son il est trop loin ou quand le son il est pas assez fort l'être humain il entend plus et tu trouves des créatures ils entendent plus que d'autres et d'autres elles entendent moins que d'autres أما الله سبحانه وتعالى فسمعه إليه كامل إلى أنطنتو سبحانه قال فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سامع contrairement à l'être humain أنت si deux personnes elles parlent en même temps ça t'attrape si une troisième elle parle ربما tu comprends plus يلتبس عليك Ce que tu as entendu, il te bise avec. Tu sais plus, est-ce que tu as entendu vraiment, est-ce qu'il a dit telle chose, ou est-ce que c'est lui qui a dit, ou c'est l'autre. Même des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. أما الله سبحانه وتعالى فلا يشغله منها سمع عن سامع. مثلا en ce moment, كم من الناس parlent sur terre, des milliers, des millions de personnes qui parlent الآن. الله سبحانه وتعالى يسمع الجميع. Et il sait ce que Fulani dit à tel moment, il a akhri. قال ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. نعم. Et si plusieurs ibad ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala il entend le jami'. Et il est capable de répondre à tout le monde. Ma dalil تقدم معنا في الأربعين عندما لو اجتمع إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته. نعم نعم في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. C'est tous les êtres humains. Rajoute les djinns. À des milliards d'êtres humains, avec des milliards de djinns. En même temps, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yasma' al-jami'a. Et il est capable de répondre à al-jami'a, et d'exaucer le jami'a, et de leur donner tout ce qu'ils ont demandé, subhanahu. Qalat Aisha, alhamdulillah, alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. قول الله عز وجل ذكر هذا الكلام قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فقالت لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت. Cette femme qui a parlé au prophète عليه الصلاة والسلام et elle s'est plainte. فعائشة رضي الله تعالى عنها elle était pas loin, elle était à côté et elle a pas entendu. فلهذا قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. Et quand elle a su que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Et Allah subhanahu wa ta'ala directement il a révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est plainte de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala il l'a cité dans le verset. نعم وهذا تقدم معنا. أما الثمرة فتقدمت معنا كثيرا. فالإنسان الحقيقة هذا الاسم أو التحقيق معنى هذا الاسم celui qui médite et qui tombe pas dans l'insouciance et يتذكر خاصة quand il lit le Coran. فكثيرا tu réciteras هذا الاسم اسم السميع أو الوصف أن الله يسمع. Et هذا في الحقيقة ça doit nous pousser في الحقيقة à deux choses, الترهيب والترغيب, الخوف والرجاء. Ça doit nous pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, لأنه tout ce qu'on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend. Et là, dans ce qu'on dit, il y a des choses. Ahyanan, c'est du haram. Ahyanan, c'est des choses, il n'y a aucune faïda. Ahyanan, c'est de l'injustice envers un autre. Ahyanan, c'est une ma'asiyah. Ahyanan, c'est du fisq. Iyadan billah, ba'adun nas. Ahyanan, c'est du kufr. Allah, il entend tout. فالذي يتذكر هذا son قلب il le fait vivre بهذه المعاني. Le cœur il a besoin de vivre comme on fait vivre notre corps avec la nourriture il a akhri. كذلك comme la terre elle a besoin de vivre avec de l'eau, de l'entretien il a akhri. Les animaux ils ont besoin de vivre كذلك avec de la nourriture. Chaque chose vivante elle a besoin de provision, de choses. فهكذا هذا القلب. هذا القلب لا pas besoin de nourriture. لا هذا القلب يعيش بالذكر. هذا القلب يعيش بالإيمان. هذا القلب لا besoin de هذا العلم العظيم pour vivre. Celui qui fait vivre son cœur avec هذا, il n'insultera pas Allah سبحانه وتعالى. بل il va s'écarter de beaucoup de ma'asi. بل celui qui قوي الإيمان حتى الكلام المباح il va faire attention. Il va pas beaucoup parler. لماذا؟ لأن à chaque fois qu'on parle في الحقيقة إما لنا إما علينا. إما cette parole elle sera pour ou contre nous. فلهذا هذا الجانب الخوف tu peux le renforcer dans ton cœur En connaissant bien sûr هذا le معنى العظيم et ne pas tomber dans l'insouciance. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, il nous entend. وهكذا الجانب الآخر الرجاء أن tout ce que tu dis comme khayr, le Coran que tu récites, l'adhkar que tu récites, l'amr bil ma'ruf, النهي عن المنكر, l'ilm que tu révises, que tu apprends, que tu récites, tout ça c'est maktoub عند الله subhanahu wa ta'ala. Même si un tel il n'est pas d'accord, même si Fulan il dit le contraire, si tu dis du khayr, Allah subhanahu wa ta'ala il te récompensera. Et هذا ولله الحمد ça ouvre un bab عظيم de الرجاء. Enfin, on ne désespère pas. Un naqs il est has, il est chèque. On a tous des faiblesses. Et كذلك on n'oublie pas janib al khayr. On a le khayr hasil. Alhamdulillah, t'es un musulman, tu prononces le shahada, t'essayes de faire du dhikr, t'essayes de faire salat à l'heure, t'essayes d'apprendre ton dîme. Alhamdulillah. Et on se corrige par rapport à l'autre janib. Et notre cœur, on essaye de le renforcer avec هذه المعاني. Et هذا, on l'a cité كثيرا ensemble. اسم البصير اسم الرقيب on avait détaillé هذا. قال رحمه الله الشاكر الشكور قال في الحاشية ودليل هذا الاسم قال الله تعالى وكان الله شاكرا عليما شاكرا هذا سن دليل واضح أن من أسماء الله عز وجل أنه الشاكر. اسم الشكور قال قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم فمن أسماء الله الشكور. قال الشيخ سعدي رحمه الله ومن أسمائه تعالى الشاكر والشكور. الشكور من أبنية المبالغ. شكور على وزن فعول كم غفور. شكور غفور. Ça c'est min abniyatil mubalagh en langue arabe, et c'est cette base de mots ay ala wazn fa'ul, c'est pour montrer al kathra ay ghafur ay kathir al ghufran shakur ay kathir al shukr. Qala wa huwa alladhi yashkur al qalil min al 'amal al khalis al naqi al nafi'. Et ça c'est une bouchra pour al mu'min. An Allah azza wa jalla c'est al shakur, c'est al shakir. Et min ma'ani hadha al-ism anna Allah azza wa jalla yashkur falahu sifat ash-shukr. Allah subhanahu wa ta'ala yashkur al-qalil, et quand tu fais peu fa Allah subhanahu wa ta'ala yashkur dhalik, lakin avec cette condition al-amal al-khalis an-naqi an-nafi'. Fa celui qui fait peu et il est sincère et il suit an-nabi alayhi salatu wa salam, il a une bonne intention. Son but c'est pas les gens. Son but c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Son but c'est qu'Allah il accepte هذا العمل فالله سبحانه وتعالى يشكر له. فكيف شكر الله سبحانه وتعالى؟ الشكر c'est la reconnaissance. Comment Allah سبحانه وتعالى va être reconnaissant vers ce عبد؟ قال الشيخ سعدي وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع. أي الإنسان ولو يفي peu فلا récompense elle est énorme. Nous, ce qu'on fait min amal fil haqiqa par rapport à ce que Allah nous a donné comme ni'ma, c'est qalil. C'est qalil. Est-ce qu'on a été reconnaissant pour toutes les ni'am qu'Allah nous a donné? On a des faiblesses. Allah nous a guidés, Allah nous a donné la vue, il nous a donné l'ouïe, il nous a donné la vie, il nous a donné beaucoup de choses, et on a des manquements dans la reconnaissance. Mais هذا celui qui est sincère ou là aussi fait peu, فالله سبحانه وتعالى il lui donnera في الدنيا النعيم في الآخرة إلى أعظم إلى أكبر أي الجنة. قال ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر من أحسن عمل. كذلك يعفو عن الكثير من الزلل ساس من شكر الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان ربما معاصي كثيرة بل ربما الشرك والكفر والسب. Si on prend l'exemple d'un kafir qui n'était pas musulman, tous les péchés, la mécréance, s'il demande pardon et il fait tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout. C'est ça, ism al-shakur. Annahu il donne beaucoup, subhanahu wa ta'ala, même si l'insan il fait peu, et il pardonne beaucoup, même si l'insan il a fait beaucoup de péchés. Qala, wa la yudhi'u ajra man ahsana amala. c'est une bouchra azima. كذلك أن الإنسان صفة الأعمال صالحة فالله سبحانه وتعالى الشكور. الله سبحانه وتعالى si on peut traduire par reconnaissant أن هذا العمل لا يضيع أبدا. Tout est enregistré. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة. Ça, c'est une chose infiniment petite. Allah subhanahu wa ta'ala dharaba bidhalik mathalan fil Qur'an. Anna walou cette chose très petite, fal insan, il verra cette chose. Et il sera récompensé. Qala, wala yudhi'u ajra man ahsana amala. Kama qala azza wa jal, inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ta'amal qawlahu al-muhsinin. Et ce n'est pas chaque amal qui est accepté. الله سبحانه وتعالى شاكر شكور ولا يضيع أجر من أحسن عمل أي أجر المحسنين لكن بهذا القيد أحسن عمل أجر المحسنين في القرآن et d'autres versets في هذا المعنى أما celui qui fait beaucoup لكن si on reprend كلام الشيخ سعدي رحمه الله il a cité les deux conditions pour que العمل soit accepté الخالص النافع النقي c'est l'إخلاص من أحسن عملا سالمتابعة كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العمل الصالح العمل كي فوندي سور الإحسان أي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك بعبادة ربه أحدا الخالص فالسلوي كي سنسير كي سوي النبي عليه الصلاة والسلام فسو عمل لي أكسبتي Et son amal la yadhi'a. Walau kariha al-kafirun. Walau kariha man karih. Même si wahad il n'est pas d'accord, même si wahad il te déteste, même si wahad il t'accuse, si tu es sincère et tu suis sunnah, فالله سبحانه وتعالى la yadhi'a al-ajr inda. Limada li'anna Allah shakur. Contrairement au abd. Al-abd kadhalik. Ba'dahum ils ont du shukr. Et ba'dahum indan billah ils ont du kufr. On a le kufr al-muqabil li shukr. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء بل سحال كثير من النساء أن زوجها ربما يفي بوكو تخير يفي بوكو تخير يفي بوكو تخير un jour un manquement أو une faute أو une parole هذه المرأة تقول بلا حياء ما رأيت منك خيرا قط j'ai jamais vu de bien معك هذا عدم الشكر. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont demandé, quand il a informé Akthar Ahl al-Nar, c'est An-Nisa, la plupart des habitants de l'enfer, ça sera les femmes. Et qu'adhalik, qu'on précise, on a la plupart des habitants de Jannah, ça sera les femmes. Les ulama, ils expliquent qu'elles seront plus les mâles, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé pourquoi la plupart des habitants de l'enfer, ça sera des femmes. قال لأنكن أو لأنها أو لأنكن تكفرنا العشير تكفرنا ça vient du mot كفر أي le contraire de شكر العشير c'est هنا بمعنى celui qui vit avec elle أي le mari et حتى في بعض الرجال للأسف ربما تفيد خير معه ça soit من تعليم أو بمال أو بمساعدة un jour il voit une chose فكأنه il te connaît pas. هذا سيتخ تخيغاب الله سبحانه وتعالى شكور ويحب كذلك أهل الشكر سوكي أون هذا الوصف الطيب ونسيتخ سا إن شاء الله على فا في الثمرة قال بل يضعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب بل الله سبحانه وتعالى هذا العمل الأكسب ولا يضيع Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le multiplie. Yubarik fi. Il le multiplie fi l'ajr wa thawab. Et si on relie ensemble le verset que Al-Jami' il a cité fi l'Hajiyah, qala azza wa jal, in tuqridu Allah qardan hasana, yudha'ifhu lakum. Fata'ammal. Et celui qui fait du khayr, celui qui fait des sacrifices, et ya'bud Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, la sharika lah, En suivant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال يضاعفه لكم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te multipliera la récompense. قال ويغفر لكم كذلك يبو بعدن إن الحسنات يذهبن السيئات قال والله شكور حليم تأمل après avoir cité أن الله سبحانه وتعالى multiplie la récompense de هذا العبد et lui pardonne الله سبحانه وتعالى il a cité هذا الاسم العظيم والله شكور. Donc ce qui vient avant في الحقيقة c'est une explication du اسم الشكور. كذلك الحليم avec le غفران تقدم معنا أن الحليم c'est الذي لا يعاجل بالعقوبة بل يغفر الذنوب ويحب العفو سبحانه وتعالى. Et bien sûr c'est lié avec le غفران. الحقيقة الذي يتأمل les versets du Coran après avoir étudié ce genre de livre et lu les paroles des savants sur Al-Asma Allah Al-Husna, الحقيقة quand tu liras les versets ça sera plus la même chose. تأمل à la fin quand Allah subhanahu wa ta'ala cite des noms tu verras qu'il y a une munasaba azim. لكن il faut s'arrêter قليلا. Il ne faut pas lire هكذا دائما. أحيانا نعم. Tu as besoin de lire assez rapidement pour réviser, pour une haja. C'est معروف, c'est واضح. لكن أحيانا prends le temps de t'arrêter. Mais notre lecture, c'est دائما on se dépêche. J'ai lu deux juz aujourd'hui, j'ai lu 10 juz cette nuit. Et بدون تدبر وتأمل, هذا c'est pas نافع comme celui qui prend son temps. Pourtant, il y a du khayr s'il est sincère. Chaque lettre, il a 10 hasana. Lakin, en s'arrêtant, en réfléchissant, en demandant, en faisant des recherches, un naf, il est a'zam. Et il n'y a aucune comparaison. Qala, wa man shakara, ou plutôt wa min shukri, annahu yujzi bil hasana, 10 amthaliha ila 700 dhi'fin. ضعف بكسر الضاد إلى أضعاف كثيرة. وهذا كذلك تقدم معنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه dans beaucoup de دروس أن الله سبحانه وتعالى multiplie الحسنات fois 10 بل ça peut aller jusqu'à 700 بل ça peut être beaucoup plus. الله يفعل ما يريد. Ça c'est من شكره et ça c'est من فضله. وإلا في الحقيقة celui qui fait une hasana, فالعدل, c'est d'être récompensé une hasana. فالله سبحانه وتعالى, il lui récompense une hasana, la shak, il lui multiplie par 10, هذا c'est من فضله وإحسانه, et ça peut aller encore beaucoup plus. لكن la question qu'on se pose, c'est comment faire pour que الأجر يضاعف أكثر بالإخلاص. On revient au verset, إن تقرض الله قرضا حسنا, تأمل قوله حسنا, أي هذا القرض, أي c'est العبادة. Et tous les sacrifices que tu fais, ils doivent être حسن. Et تذكرون في كلام الشيخ سعدي ou dans l'autre verset المحسنين. Tout ça c'est lié في الحقيقة. Ça montre أن كلما الإنسان il est محسن أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. Ça c'est من قوة الإخلاص. كلما il est مخلص et il fait des efforts pour suivre النبي عليه الصلاة والسلام, كلما Allah subhanahu wa ta'ala, il lui augmente la récompense. Et si tu analyses les versets, on ne va pas tous les citer هنا, لكن الشكور, il a été cité 4 fois, فيما أذكر. Si tu analyses les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité الشكور, tu verras qu'en général, c'est fait le fadl ou l'ihsan ou mudha'afat al-thawab. L'ism est lié avec le ma'na qui est cité dans le verset. قال وقد يجزئ الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل. أي نعم. Et ça c'est من شكره أن الله عز وجل أحيانا يغيكمبنس son عبد في الدنيا قبل الآخرة. Et ça c'est من شكره. لماذا؟ لأن هذا العبد il a été sincère. هذا العبد il a été sincère. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Ça c'est عمل طيب. Le fait d'aider ton frère. Si tu aides ton frère, Allah il t'aidera. Et hélène, tu le vois, là. Tu aides quelqu'un et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide fi dunya. Yaftah laka al-abwab. Shukru Allah subhanahu wa ta'ala pour hada al-abd, ça peut être fi dunya qabla al-akhira. Wa laysa alayhi haqqun wajib bi muqtada a'mal al-ibad wa innama huwa alladhi awjaba al-haq ala nafsihi karaman anhu wujuda, minhu wujuda. Naam. Hada c'est min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Amma kama qal huna ليس عليه حق واجب أي الله سبحانه وتعالى يفس كيلفو يدنا كي إلفو، لكن هذا من فضله وإحسانه كقوله عز وجل في الحديث القدسي حرمت الظلم على نفسي. الله يفس كيلفو، personne ne peut rendre une chose حرام الله سبحانه وتعالى، لكن حرمه على نفسه عز وجل من باب العدل، من باب العدل، فحرم الله سبحانه وتعالى على نفسه سينتردو على لوي-ميم لا جوستيس، وإلا personne ne peut interdire une chose à الله سبحانه وتعالى. هنا سي من هذا الباب. قال والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوها لله تعالى. Donc, هنا il a récapitulé les deux conditions. والله لا يضيع أجر العاملين، لماذا؟ لأنه سي الشاكر سي الشكور. Tout ce qu'on fait comme bien, c'est enregistré. Allah subhanahu wa ta'ala, shakirun shakurun, il récompensera l'abd. Avec ces deux conditions, idha ahsanu fi a'malihim, amma al-bid'a c'est pas accepté. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rabb. Et ça c'est un manque de ihsan fi l'amal, bal c'est min al-muhdathat, c'est min al-dalal, comme akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invente dans la religion. هذا سعمل إلى بأكسبت، إيه، سي، فولونتير، إلى تكنسيف، إلى آثم. تأملوا الخذلان، أن بعض الناس يبغون يقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بقدر أعمال، لكن سي دي زينوفاسيون، فلا شك العمل إلى بأكسبت، ربما سي دي بيشي، سي لو فول با إيكوتي، سي نو فول با ديليسي. قال وأخلصوها لله، بيان سور، العمل الخالص، أما الرياء والشرك فالله سبحانه وتعالى لا يقبله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هكذا قال سبحانه في الحديث القدسي. ثم قال فإذا قام عبده بأوامره وامتثال طاعته أعانه على ذلك. هذا سي الإكسبليكاسيون دو ما تقدم، أي هذا العمل سي بماذا؟ سي بفعل الأوامر s'écarter de an-nawahi. قال فإذا قام عبده بأوامره وامتثل أي هو طاعته. نعم هنا بلو طاعته سأخطى، امتثل أي هذا العبد طاعته وأعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه. ça من شكر الله سبحانه وتعالى أن العبد s'il fait des efforts pour faire les obligations pour obéir à Allah عز وجل pour obéir au prophète صلى الله عليه وسلم أعانه على ذلك. Ça nous montre l'essentiel et le muhim, khasatan au départ, c'est an-niyya. On fait attention à un madkhal min madakhil ash-shaytan huna, an-nahyan nous fait croire qu'on n'arrivera pas. T'arriveras pas à finir ce livre. T'arriveras pas à faire salat la nuit. T'arriveras pas à jeûner 3 jours dans le mois. T'arriveras pas à faire telle chose. T'arriveras pas à faire le hajj. Tu n'arriveras pas à voyager pour faire les hijras. C'est le shaitan qui essaie de nous affaiblir au départ. Sois min al-muhsinin. Une bonne niya. Et ce que tu vas entreprendre, entreprends-le avec ilm. Tu vas faire les hijras, tu étudies avant. C'est quoi le hijra? Tu vas faire le hajj, tu étudies avant. C'est quoi le hajj? Comment faire le hajj? Thumma, avec cette niya et cette provision, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Si tu as cette provision à taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala il t'aidera. Comme ils ont commencé, si on prend l'exemple du ilm, un livre, et au départ ils ne pensaient pas qu'ils pourraient le finir, et ils avaient une bonne niya, ils se sont lancés, et Allah subhanahu wa ta'ala waffaqahum. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa hakadha hatta fi dunya. Hatta, on a donné des exemples d'ibadat, hatta fi dunya. Tu veux travailler, tu veux faire telle chose, t'as l'impression que t'as un projet, t'as l'impression que c'est compliqué. Et une bonne niya, demande-le d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera. قال وأثنى عليه ومدح وجازه في قلبه نورا وإيمانا وسعة. Et c'est ça la différence entre certains croyants qui arrivent à faire des choses et d'autres croyants qui n'arrivent pas. On parle, si on garde l'exemple des adorations. Pourtant, Obama, tu trouves un des moumines, il est plus faible physiquement. Obama, il est plus âgé. Pourquoi il arrive et l'autre, il n'arrive pas? Les anna, هذا الباب العظيم فعل الأوامر والابتعاد اجتناب النواهي c'est fondé sur l'iman, c'est pas fondé sur le physique. Comme il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire 5 salawats par jour. Pourtant, ils sont jeunes, ils sont en pleine forme. Ils n'arrivent pas. Tu trouves, ash-shuyukh min al-muslimin, des personnes âgées, il ne manque pas une salat fil masjid. Probablement, il a du mal à marcher. C'est quoi qui lui donne cette force? C'est l'iman qui est fil qalb. Allah subhanahu wa ta'ala, habbaba ilayhi, هذه العبادة, il ne peut plus la délaisser. Mais si tu l'empêches aussi, il ne peut plus y aller. يحزن, ça le rend triste. Et tu trouves, fil janib l'akhar, بعض القلوب المريضة, عيادن بالله, ils ont la force, ils ont le physique, il a akhiré. Lakin le cœur, quand il est malade, عيادن بالله. Inna fil jasadi mudgha, idha salahat, salahat jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasada al jasad kulluh. Et on a une explication, comment faire pour islah hadha al qalb. C'est avec hadha. Al qiyam bi al awamir, imtithal al ta'a, tu fais des efforts pour faire cette adoration, ta niya, c'est de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu suis un nabi alayhi salatu wa salam, tu apprends le sens de ses noms, an Allah il est shakir, shakur, ce que tu fais, tu le retrouveras, fit dunya, qabla l'akhira, tu verras que ça t'aidera. Qala, وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة نعم كان ويمكلو قوة ونشاطا نعم زيادة بركة ونماء أو هكذا نعم قال جميع أحواله زيادة كانه وبركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق أو سكم زيادة توفيق زيادة بركة نعم الأصل سكي مكبا دو لتر فنعيد قال وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق حتى البدن celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et celui يعتني خاصة بالأذكار يتخوفها قوة ونشاطا في بدنه فلهذا فاطمة رضي الله تعالى عنها quand elle s'est plaint au prophète alayhi salatu salam, elle était fatiguée. Et maintenant, elle s'occupait de son mari, des enfants, de la maison. Et elle s'est plaint au prophète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle voulait un khadim, quelqu'un qui l'aide. Enfin, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pris un dhikr à dire avant de dormir. Et hada dhikr fil haqiqa, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il lui a cité une, c'est que ça remplace le khadim. Et hada dhikr, ça va donner quwatan wa nashatan à celui qui le dit, et que d'alik, ma'ahada, avec l'ajr et l'aghrib. C'est un délire. Al-ta'at, ça renforce, comme ça renforce le cœur, que d'alik, ça renforce al-jism. Ça ne veut pas dire que celui qui est malade ou qui est faible, il a un manque fit ta'a. Là, l'Allah subhanahu wa ta'ala, hakimun. Certains sont malades, certains sont faibles, bel on goûtera tous à la mort, là, voilà, c'est une faïda à prendre en compte. Qala, thumma ba'da d'alik. يقدم على الثواب الآجل عند ربه. Après avoir cité quelques fawaïd fi dunya, أي أن الله سبحانه وتعالى mettra de la lumière dans son cœur, il le guidera, il l'aidera, كذلك des bénéfices, des profits pour son corps. أي tout ça c'est fi dunya. ثم رحمة الله عليه il a cité ما يتعلق بالآخرة. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه. Donc العاجل c'est directement, aïe fi dunya. Al-ajil, c'est plus tard, aïe après la mort. Aïnda rabbihi kamilan mawfura. Limadha li anna Allah azza wa jal, c'est shakur. Il ne manquera rien. Tout ce que tu as fait, min salatin wa dhikrin, wa hajjin wa siyamin, toutes les ibadas que tu as fait, si on te demande l'an, et là, je sais que tu ne pourras pas toutes les citer. Combien de ibadas qu'on a fait, on les a oubliées. Allah subhanahu wa ta'ala, shakirun, tout est enregistré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il n'oublie pas. Et ça, c'est une ni'ma azima. Qala, lam tanqushu hadhihi al-umur, wa min shukrihi li'abdihi anna man taraka shay'an lillah, awwadahu Allah khayran minah. Ça, c'est min shukrillah subhanahu wa ta'ala. Min shukrih. Anna, si tu délaisses une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, فَمِنْ شُكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ أَنَّهُ il te la remplace par quelque chose de meilleur. لماذا? لأن tu as délaissé cette chose pour Allah. Et هنا نستفيد من هذا, on peut plutôt profiter de cette faïda dans plusieurs bêtes. Khasatan, quand on est confronté au haram, n'aie pas peur de délaisser. Que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit un livre. Si c'est un livre de bid'a ou de haram, ou si c'est un travail de haram, ou si c'est une personne fi hachar. Si t'es sûr, n'aie pas peur de délaisser. Bardanès, ils ont un blocage, huna, à cause de la faiblesse de foi. Ou illa celui qui est convaincu et qui connaît le sens de hada l'ism al-azim al-shakur, famin shukrillahi subhanahu wa ta'ala, si tu délaisses, il te remplacera par quelque chose de meilleur. Et on doit avoir aucun doute via hada. Lakin, il y a une condition. Vous avez remarqué que chaque chose qu'on lit, fil haqiqa, c'est sous certaines conditions. Ça nous montre, ça nous donne un dars azim, l'islam ou l'iman. C'est pas bit tamanni faqat. C'est pas je suis mu'min, je suis musulman et je fais aucun effort. Je fais aucune adoration, iyadan billah. Et pardon, ils font toutes les ma'asi qui leur passent par le cœur. Thumma, ils s'étonnent pourquoi ils souffrent, pourquoi les portes elles s'ouvrent pas, pourquoi ils avancent pas, pourquoi ils sont tristes. Tout ça c'est sous certaines conditions. Ikhlas wa mutaba'a ila akhirih. Fata'ammal huna la condition. Qala anna man taraka shay'an lillah. Faut que ça soit lillah. Mais celui qui délaisse par passion ou par peur de un tel, probablement il va laisser cette chose et iyadan billah, son cas il va s'aggraver. Mais celui qui délaisse lillah ne craint pas al-faqr, la pauvreté. Le shaytan il nous fait peur. Si on prend l'exemple du travail, maintenant tu travailles et ce travail c'est du haram, il y a de la mixité ou autre min al-muharramat, n'aie pas peur de le délaisser. Si tu connais le nom d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Shakir, c'est le Shakur, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rafiq, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rahman, c'est le Rahim. Est-ce que avec la connaissance de tous ces noms et la foi, et on les a étudiés ensemble, wallahi alhamd, est-ce que tu penses que si tu délaisses ce travail, Allah il va te laisser? Na'oudou billah. Si tu le délaisses, abshir. Si c'est l'illah, abshir. Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner. Limada li annahu c'est le Shakur, c'est le Razzaq, c'est le Rahim, c'est le Rafiq, c'est le Karim. Il a akhiri, combien de noms on peut citer fi hadha al-bab. Et hadha c'est basé sur un hadith. Hadith Abi Qatada radiyallahu anhu. في مسند الإمام أحمد رحمه الله الشيخ الألباني لا صحح قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله منه ما هو خير لك منه إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. نعم أما اشتهر الحديث بهذا اللفظ que Cheikh Saadi l'a cité. Cheikh Saadi l'a pas cité sous forme de hadith, vous avez remarqué. Lakin, كثير من الناس يسيت الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جاء حديث avec ce lord, lakin فيه ضعف. Et ça demande des recherches. Est-ce qu'il y a un autre hadith? وإلا فالثابت الصحيح c'est هذا. إنك لن تدع شيئا لله. إنك لن تدع شيئا لله. On doit être sûr. Si on délaisse quelque chose, lillah, baddalak Allahu bih. Et Allah, il te remplacera, ma huwa khayrun laka minhu. Allah, il te le remplacera par quelque chose de meilleur. Et c'est une bouchra. Cette chose que tu vas délaisser, tu l'as délaissée, lillah, Allah, il te la remplacera par quelque chose de meilleur. Pas par quelque chose de semblable. Limada, li'anna, ton délaissement, c'était lillah. Et celui qui délaisse lillah, Allah, il est shakur. Il lui remplace par quelque chose de meilleur. Qala, rahimahullah, ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. Ça c'est min shukr Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer à celui qui fait un petit effort, Allah subhanahu wa ta'ala shakir shakur. من أتى الله subhanahu wa ta'ala ومن تقرب منه شبرا. الشبر c'est la distance entre le pouce et le majeur. Hakada, c'est ça, shibr. Enfin, celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette distance, Allah subhanahu wa ta'ala taqarraba minhu dhira'an. Dhira'an, c'est une coudée. C'est du bout des doigts jusqu'au coude. Hada, c'est un mythe pour montrer Allah subhanahu wa ta'ala shakurun. Tu fais un peu, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne beaucoup. Hada, c'est un hadith. حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. من عامله أي عامل الله سبحانه وتعالى ربح عليه أضعافا مضاعفة, أي celui qui adore الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى lui donnera, tu seras toujours gagnant, tu seras toujours gagnant, contrairement avec l'ibad. L'ibad ça demande du sabr, probablement tu fais du khair à quelqu'un et il te remercie avec du shar, iyadan billah, il te donne une mauvaise chose en échange. Amma Allah subhanahu wa ta'ala fa karimun shakur. نقرا un kalam jamil pour finir de l'imam ibn al-qayyim rahmatullah alayh. هذا الايمان بهذا الاسم باذن الله عز وجل سيثمر في قلب المؤمن دي ثمرات عديده عظيمه مباركه. Celui qui a cette conviction, la certitude en Allah Azza wa Jal, c'est Ash-Shakir, Ash-Shakur, ça va donner des fruits طيبة dans son cœur. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قبل ذلك, on peut citer, لأن الشيخ سعدي l'a cité quelques exemples, من شكره إلى آخره, قوله ومن شكره أنه يجزي بالحسنة إلى آخره, ça c'est من شكر الله, أن الله multiplie les récompenses. Cheikh Sadi, ou plutôt l'imam Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, il a cité des exemples tayyib dans son livre Uddatu al-Sabirin. Qala rahimahullah, wa min shukri annahu ghafara lil mar'ati al-baghi bisqiha kalban kana qad jahadahu al-atash. Ça c'est min shukri Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-mar'a, elle était fi hal as-sayyi'a, c'était une prostituée. Et elle est passée devant Hadal Kalb, le hadith il est sahih, et elle a trouvé ce chien qui était dans un état critique à cause de la soif. Qad jahadahu al-atash. Hatta fi riwaya kana ya'kul al-turab. Tellement qu'il avait soif, il mangeait la terre. Qala rahmatullah alayh, bi saqiha kalban qad jahadahu al-atash, hatta akala al-thara. Il a cité huna. فالله سبحانه وتعالى إلى قعدني أسد فم فسي من شكره. الله سبحانه وتعالى شكر هذا العمل, هذه المرأة التي على هذه الحالة elle faisait ce grand péché, لكن elle avait l'iman, elle avait l'iman, et ça montre que les grands péchés ça annule pas la foi. Et quand elle a vu ce chien dans cet état, ça l'a touché et elle est descendue dans ce puits, elle a rempli son khouf d'eau, sa chaussure d'eau, et elle a fait boire ce chien. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a tout pardonné. Ça c'est min shukrillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça fait monter l'iman du mu'min, et on ne doit pas désespérer. Fais du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, shakurun alim. Quand tu fais du bien, fil haqiqa, c'est comme une tijara, c'est une mu'amala, ma'allahi subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme l'ab. L'ab, tu vas faire du bien, rubbama il oublie. Rubbama, en échange, on a dit, te fais du mal. Oublie tout ça. الآن تعبادة لله ففي دو بيان يا الله إلي الشكور تو غوسوغا بوكو دو بيان. كذلك هذا صافي من بورت ا سو كي ديز ما تو الموند في يا با كو موا كي في نيكوت با هؤلاء تو الموند في او يا با كو توا او انت في دو بيان اي اسبير لا ريكومبونس. اما لي زوتر اوبلي توجور ريغاردي لي زوتر سا فرين المؤمن. قال فهو سبحانه يشكر العبد على احسانه لنفسه, والمخلوق انما يشكر من احسن اليه. الله سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسان نفسه. الله سبحانه وتعالى يشكر ce que tu fais, alors que ce que tu fais c'est pour toi-même. لأن في الحقيقة, si on reprend l'exemple de cette femme, elle a aidé ce chien, et في الحقيقة c'était les récompenses, c'est pour elle. الله سبحانه وتعالى il a pas besoin de cette femme et il a besoin de personne. لكن الله سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسان نفسه. تأمل, tu fais du إحسان pour toi-même et الله يشكرك. أما l'être humain, قال والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. أما الإنسان, toi tu fais du shukr quand quelqu'un te fait du bien à toi. On fait pas de shukr nahnu quand quelqu'un se fait du bien à lui-même. C'est pour ça que quand quelqu'un te fait du bien, tu dis shukran. وبارك الله فيك. Et كما جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Ça c'est في مقابلة الخير qui te fait. أما الله سبحانه وتعالى شاكر شكور يشكر عبده pour l'ihsan que l'abd se fait à lui-même. وإلا فالله il a pas besoin de personne. هذه سين فائدة نفيسة. قال وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. الله سبحانه وتعالى يشكر العبد par rapport à ce qu'il fait. في الحقيقة cet être humain, ce qu'il a fait, c'est Allah qui lui a donné. Cette femme مثلا qui a aidé ce chien, qui c'est qui l'a créé, c'est Allah. Qui c'est qui lui a facilité, c'est Allah. Qui c'est qui a guidé son cœur pour aider ce chien, c'est Allah. Quand elle a fait cette chose, Allah yashkuruha. Alors que le khayr, à la base, il est min Allah. Ça montre en Allah subhanahu wa ta'ala, shakurun. Et tu comprends pourquoi il est, هذا الاسم على صيغة المبالغة. أي شكره إلى كثير سبحانه. وإلا ففي الحقيقة, ce qu'on fait combien, فنحن on doit être encore plus reconnaissant. قال, وشكره, كأن وشكره, أو وشكره, أي العبد. على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان أي الله c'est le محسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر donc Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui t'a donné هذا الإحسان أي le fait que tu fasses le bien et كذلك c'est le محسن أنه يشكر لعباده et كذلك il te permet أنت d'être من الشاكر قال ابن القيم فمن أحق بسم الشكور منه سبحانه عفخي توسا لا أحد أحق من الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم et même si l'être humain il est qualifié de شاكر si il est reconnaissant لكن شكره il est limité à beaucoup de choses أما شكر الله سبحانه وتعالى فعظيم هذا c'était un ajout d'Ibn al-Qayyim رحمه الله كذلك il a cité ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير. Ça c'est من شكر الله سبحانه وتعالى. Cet être humain, il est في النار, ce croyant, à cause de certains péchés. Et Allah سبحانه وتعالى, il sortira من النار, il rentrera au paradis éternellement. Pourtant, هذا العبد, il n'a pas fait beaucoup. أخرج من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. أو مثقال حبة من إيمان. Une toute petite chose. Infiniment petite. Lakin, vu que ça reste de la foi, ce croyant, il sortira. Et il profitera du paradis éternellement. Malgré le séjour qu'il a fait finnar. هذا c'est min shukrillah. Subhanahu wa ta'ala. الآن on cite الثمرة. الحقيقة الثمرة, avant de lire كلام من القيم رحمه الله, من كلام الشيخ سعدي, on a compris أن الله سبحانه وتعالى يحب الشكر. Et الله سبحانه وتعالى c'est الشكور. فمن ثمرات الإيمان بهذين الاسمين الشاكر والشكور سيكون نحن وطنك عبد نشكر الله عز وجل نشكر الله عز وجل لماذا؟ لأنه سالشاكر سالشكور وكذلك أنعم علينا إنو زاكيدي إنو زاكخي إلى آخر كذلك إنو باردن كذلك toutes nos œuvres الله سبحانه وتعالى automatiquement elles sont multipliées par 10 Pas tout ça, on doit être reconnaissant envers Allah. Enfin, si Allah c'est shakir, c'est shakur, on a compris, الحقيقة, nous, on doit faire des efforts. نشكر الله عز وجل. كذلك, من شكر الله عز وجل, شكر العباد, ceux qui font du bien. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Ou dans une autre loi, لا يشكر الناس من لا يشكر الله. Donc on fait attention à هذا الوصف الذميم, كفر النعمة. واحد يفيد جميع بكنا، إلى فين فوت؟ قدر إلى vraiment fait une faute. On agit يدم بالله مثل بعض النساء كأنه إلى جميع في تخيل. إلى فين فوت؟ الحمد لله. Tout le bien qu'il a fait, s'il fait du bien, laisse cette faute à sa place et n'oublie pas le خير. من أعظم من يستحق الشكر pour l'être humain c'est les parents. Ils ont un حق عظيم. نسيت الآية أشكر لي ولوالديك من أعظم من يستحق الشكر سي لي بارون ils ont un حق عظيم même si c'est des kuffars من شكرهم c'est que tu leur montres ils ont été la cause pour que tu sois présent ils ont fait des sacrifices pour toi فمن شكر من شكر الوالدين c'est que tu les laisses pas بعض الناس ils ont un manque de شكر ses parents c'est plus des مسلمين et هو ربما يرنتر في الإسلام ربما يكيت la ville أو Peut-être qu'il quitte complètement le pays et il laisse ses parents derrière lui, qu'annahum ils n'existent plus. C'est tes parents. Même si c'est des koufars, il y a un lien avec. C'est pas comme les autres. C'est tes parents. Enfin, min shukrihim, c'est de leur montrer ce que tu apprends, akhil karim. Min shukrihim, c'est al-tawassul ma'ahum. Bardanès, ils ont plus de contact avec les amis que les parents. Yadam billah. Il appelle plus son ami que sa mère et son père. Et bardanum, les parents, ils se plaignent. Vous avez déjà entendu, Robama. Les parents, ils se plaignent, mais ils viennent jamais me voir. Et avec les amis, nuit et jour. Bardoum, iyadam billah, c'est avec Zawja. des liens avec la femme, et vu que c'est sa femme, il vit avec elle, c'est normal. Lakin, tout son cœur, il est pour sa femme. Ses parents, il n'y a plus aucune place. Ça, c'est très, très grave. Les parents, ils ont un haq a'zam. Bel Allah, subhanahu wa ta'ala, il a cité leur haq avec le sien, azza wa jal. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn ihsana. Hada, c'est un tambih. Anna, hadi durus qu'on fait, cette étude qu'on fait, c'est pas que des informations qu'on emmagasine. On sait c'est quoi, ils sont chaque jour, on est capable de citer un délil. Amr sahl hada. Même si t'es pas capable de le citer, tu vas te relire. Aham shay, c'est al-amal. Et ta'ammal kalam, Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi. قال ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر أحب الخلق إلى الله c'est celui qui a هذا الوصف أنه يشكر يتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم tellement qu'il faisait الصلاة إلى آخره ses pieds se sont ouverts tellement qu'il restait longtemps في القيام. Et là, c'est ma'rouf. Quand tu restes longtemps sur une position, ta peau, elle durcit, elle s'ouvre. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était ses pieds tellement qu'il restait debout. Et Aisha radiallahu anha, marra, elle lui a dit, An Allah subhanahu wa ta'ala, ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah, il t'a tout pardonné. Qu'Anna lui a demandé pourquoi il reste autant debout et ça lui a fait cela à ses pieds. Qala alayhi sallallahu sallam, afala akun abdan shakura. C'est afdal al-khalq alayhi sallallahu sallam. Son choukr qu'il a eu, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, personne l'aura et personne l'a eu avant lui. Et nous, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle, enfin, on fait des efforts. On a donné l'exemple avec les parents. Et, c'est une base, tayyib. Plus l'insan, il est shakir, plus Allah il aime. Allah il aime, azza wa jal. Qala, kama anna abghad khalqihi ilayh, man attalaha wa attasafa bidhiddiha. Et les personnes qu'Allah déteste le plus, c'est ceux qui ont un manque de choukr. فلهذا الله سبحانه وتعالى il l'a appelé le kuffar al-kafirin. Ça vient du mot kuffr, kafara. Et bien, ma'ani, al-kuffr, c'est ça, c'est le manque de choukr. Allah, il les a créés, il leur a donné. Le kafir, il était rien. C'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui lui a donné, il a agré, Allah, il lui a facilité. ثم, هذا الكافر, عيادا بالله, يطعن, il critique la religion, il insulte Allah. Il prétend que c'est ses efforts, grâce à ses efforts qu'il a ce qu'il a. Il a akhri. Allah subhanahu wa ta'ala yubghidhuhum. Et nous, si on a هذا المعتقد, ça va nous faciliter à détester les kuffars. Pardonnez-moi s'ils ont un ضعف هذا لماذا يقولون mais pourquoi vous critiquez les kuffars, les juifs, les chrétiens? Pourquoi vous dites qu'il faut les détester, la tolérance هذا الكلام الباطل? Et en fait, tu peux résumer leur kalam, en gros, pourquoi vous leur faites ça? Ils nous ont rien fait. Ben, ils sont respectueux. Si tu connais هذا المعنى, ton avis va vite changer. Respectueux de ماذا? كافر بالله عز وجل un sujoud il veut pas le faire. On parle même pas de amal, même pas avant le sujoud. Son cœur accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité, le Coran c'est la parole d'Allah, essaye de le faire dire à un kafir. Et il voudra pas, sauf ceux que Allah il a guidé bien sûr. Lakin on parle des kuffar, ils voudront pas. Quand tu le trouves respectueux, souriant, gentil, l'akhir, parle-lui du din. Au pire ceux qui veulent pas faire de mal, qui te font pas de mal directement à toi, il va te dire, moi je crois pas, c'est mon avis. Ça, normalement, dès qu'il dit ça, tu dois le détester. Les neuf haqqa, quand ils disent ça, comme s'il avait le choix, t'as pas le choix. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tout ce qu'Allah t'a donné, tu dois être reconnaissant. C'est pour ça que, on réfléchirait comme ça, haqqa, fi haqq al-kafirin, ça serait clair. C'est pour ça que n'importe quelle personne, quand tu lui cites le cas d'une personne qui n'a pas de choukr, elle fitra. N'importe quelle personne, haqiqa, il déteste ce genre de personne. Même un kafir. Tu lui dis, maintenant, cet homme, ses parents, ils l'ont élevé, ils l'ont éduqué, ils lui ont donné, ils lui ont acheté. Il a grandi, il vient plus les visiter. Robama, il les insulte. Quand quelqu'un leur fait du mal, il dit, il est libre, il a le droit de les frapper, de les insulter. N'importe quel humain sur terre, il va dire, ah, là, c'est un mujrim. Même un kafir, il va dire, ah, là, comment il délaisse ses parents? Le minimum, et tes parents, reste avec tes parents, défends tes parents. Ah, avec ce midal, inshallah, ça va être plus clair à ce qu'on a cité auparavant. قال رحمه الله قال كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها. Ça c'est une faïda nafisa. Le kalam qui va citer الآن رحمه الله عليه, qui l'a cité, qu'on va lire الآن ensemble. بتوفيق الله Al-Haqiqa, c'est valable pour tous les noms qu'on a lu, tous les noms qu'on a lus et tous les noms qu'on lira. Inch'Allah. Anna, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbu khalqillahi azza wa jal ilayhi man ittasafa bi mujabiha. Hadhihi al-asma laha athar. Et on a cité beaucoup. À chaque fois à la fin du livre, quand on cite les fruits, c'est exactement ça. Qala wa abghaduhum ilayhi man ittasafa bi abdadiha. Et celui qui met en application ce qu'il a appris comme nom d'Allah Azza wa Jal, Allah il l'aimera. Et celui qui fait le contraire de ce que ces noms y montrent, Allah il le détestera par rapport à son égarement. Qala wa li hadha yubghidu al-kafur. الظالم الجاهل القاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم. Pourquoi Allah سبحانه وتعالى يدتست هؤلاء الكفور الظالم الجاهل. أي Allah سبحانه وتعالى يدتست الكافر كسوا الكفر الأكبر أو الكفور celui qui ربما يكفر النعم et qui reconnaît pas النعمة. قال الظالم l'injuste l'ignorant القاسي القلب celui qui a le cœur dur l'avare Al-Jaban, celui qui n'a pas de courage, il a akhiré. Pourquoi Allah il déteste cela? Wa huwa subhanahu jamilun yuhibbul jamal, alimun yuhibbul ulama, rahimun yuhibbul rahimin, muhsin yuhibbul muhsinin. On verra isma al-muhsin fi nadhar, lakin la shakka anna Allah subhanahu wa ta'ala muhsin min bab al-wasf wal-ikhbar, c'est thabit. Fa yuhibbul muhsinin, shakur yuhibbul shakirin. Hadha, c'est dans les noms, bien sûr, où tu peux appliquer cette règle. حتى واحد يفكر باك سي اون ريغل بور تو لي نون مثلا الله سبحانه وتعالى سي الخالق tu peux pas dire يحب الخالقين او من يخلق لان الخالق سي لله ça c'est واضح. قال شكور يحب الشاكرين صبور يحب الصابرين جواد يحب الجود ستار يحب اهل الستر. قوله جواد اسم الجواد فيه نظر تقدم معنا انه لا يثبت. ستار كذلك الثابت سي الستير. قال يحب أهل الستر. الله سبحانه وتعالى إلام أهل الستر. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. قال قادر يلوم على العجو والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن الله سي القوي. الله سي القوي إلام أهل القوة. سي بور سا كو المؤمن القوي لأحب إلى الله كو المؤمن الضعيف. المؤمن كي فور لأحب إلى الله كو المؤمن qui est moins fort. Pourquoi? Parce que Allah, c'est le qawi. Il a sifat al-quwa. Qala afoun yuhibbu al-afwa. Allah, c'est l'afou et il aime l'afou. Qala witrun yuhibbu al-witr. Wa kullu ma yuhibbuhu fahuwa min athar asma'ihi wa sifatihi wa mujibaha wa mujabiha. Naam. Tout ce que Allah il aime, c'est min athar asma'ihi azza wa jala. C'est pour ça que cette étude, elle est importante si tu fais le lien entre le sens et هذه الآثار حقيقة pour mettre en application. C'est ce qu'on a essayé de faire ensemble. ولله الحمد. هذا c'est un كلام نفيس. Ça te montre في الحقيقة أن ما من عبادة si tu viens réfléchir elle est liée à un nom parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى. Prends l'exemple الزكاة. C'est le fait d'aider les pauvres. Allah سبحانه وتعالى il est كريم. Allah سبحانه وتعالى il est كريم. Il est رحيم avec les pauvres. Et Allah سبحانه وتعالى c'est المعطي. Il donne. فَفِي كُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى هَذِهِ الْأَوْصَافِ إِلَّا فَشَرَعَ لِعِبَادِهِ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ. مَا مِنْ عِبَادَةٍ مَا مِنْ عِبَادَةٍ tu arrives à faire le lien avec un اسم من أسماء الله عز وجل. ولو واحد يكتب في هذا ça donnerait un livre طيب جميل. لو واحد مثلا il écrit un livre avec les noms d'Allah سبحانه وتعالى, bien sûr il cite le son, bien sûr il cite الثمرة, ثم il cite le lien avec العبادات en se basant sur هذا الكلام. ربما بعضهم ils ont écrit هذا. قال وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. Et tout ce que Allah سبحانه وتعالى déteste, c'est que ça contredit le sens d'un de ces noms. مثلا الله سبحانه وتعالى déteste l'avarice, البخل. Pourquoi? Liana, ça contredit tous les sens en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Mu'ti, c'est le Karim, c'est le Razzaq. Il est akhir. Hada, c'est un kalam jamil, nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Hada le kalam min kitab Uddatu al-Sabirin l'imam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. La semaine prochaine, ou le prochain cours, on reprend à partir de Ism al-Shahid. Ism al-Shahid, taqaddam ma'ana. Ça sera assez rapide. On l'a vu ensemble à Ism al-Raqib il y a quelques jours, l'avant-dernier dars, ou le dernier dars pour aujourd'hui, Naam, al-Raqib al-Shahid. Enfin, on aurait pu le lire. Alhamdulillah, on passe à notre deuxième dars.